Bonjour et bienvenue dans ce 27e animé nos mélodies. Au sommaire de ce numéro, nous terminerons notre affrontement contre les Néo-Atlantes avec le troisième soundtrack de Nadia, le secret de l'eau bleue. Nous rejoindrons l'héritier de la divine école d'arts martiaux au couteau, le bien nommé Ken. Et on terminera l'émission avec la poursuite mensuelle de la franchise Sailor Moon Super S. Continuons notre voyage fantastique avec le troisième soundtrack, le plus long en durée des trois, et Music in Blue Water, qui contient des chansons et des pistes musicales inédites de la série. Pour commencer ce voyage, nous allons simplement nous rendre dans l'épisode 34, jamais diffusé à l'époque du Club Dorothée, ou de la 5, car il s'agit d'un épisode musical, avec principalement des chansons. Mais dans le fond de cette histoire, il s'agissait aussi de faire le tour des personnages pour voir leur évolution dans la série. Dans ce fameux épisode 34, Jean invente une machine de karaoké jouant de multiples instruments pour déclarer sa flamme à Nadia. Mais au lieu de ne parler que de l'amour qu'il lui porte, avec tous les bons côtés de Nadia, il parlera aussi de tous ses défauts, malheureusement ce qui mettra en rogne notre jeune fille. Nadia, 僕の気持ちを聞いてくれよ Oh, oh, oh, Nadia Nadia じらさないでよ これ以上 君を見てると ドキドキしちゃう 我慢できないよ I love you, Nadia Nadia こんなにNadiaが好きだから Oh, je t'aime, Nadia なくしないで悲しいよ Oh, please, Nadia Nadia 君のいつものわがままに No, no, no, Nadia Nadia 僕は毎日 Tajita-ji-sa Oh my God, Nadia Nadia 肉や魚も美味しいよ Oh, Nadia Nadia 食べず嫌いは良くないよ Oh, oh, oh, Nadia, Nadia, la la la la la la la la la la la la la. Oh, please, Nadia, Nadia. Dans ce troisième soundtrack, la musique devient plus violente, plus majestueuse aussi, car la série se transforme en une série de SF. Des thèmes donc à la Évangélion font leur apparition, comme celui du Nautilus, qui lui-même sera présent dans le troisième volet de la quadrilogie cinématographique Évangélion 3.11. Il y a aussi des thèmes guerriers, dont un hymne de l'équipage du Nautilus. む魂輝く不屈の魂人を信じて命貫く愛と希望 No Justice No Justice 正義の証 No Justice No Justice Tout dans ce dernier album fait ressentir un vent de détresse, de violence, de guerre. Peut-être le meilleur des trois OST. Il est temps d'écouter quelques extraits des BGM et on se retrouve juste après la chanson Bye Bye Blue Water, chantée par tous les comédiens de doublage, les seiyuu, de la série. À la fin du deuxième millénaire, une catastrophe nucléaire a balayé toute forme de vie sur Terre. L'eau et la nourriture sont devenus les biens les plus rares et les plus précieux de notre planète. C'est désormais la loi du plus fort et des pillards de toutes sortes, et les survivants les plus faibles n'ont plus le droit de vivre. C'est dans ce monde dégénéré que surgit un homme, Ken, l'unique héritier d'une technique de combat millénaire, celle de l'école au couteau, l'école de la grande ours, les étoiles qui contrôlent la mort. C'était Aiwo Torimodose, chanté par le groupe Crystal King. La série retrace le parcours de Ken, au début à la recherche de sa bien-aimée Julia, Yuria en japonais. Il n'a pas encore conscience de son destin, parfois cruel, pour ceux qui l'accompagneront dans sa croisade, pour finalement devenir le messie attendu, celui qui délivrera le monde de la jougue des puissants. Ken le survivant est une série de 109 épisodes en deux saisons, produit par la Toei Animation, et réalisé de 1984 à 1987 par Toyo Yashida. Il s'agit de l'adaptation du manga de Tetsuhara et Buronson, devenu par son histoire tragique et sa violence une série culte au Japon. D'ailleurs, des références à l'œuvre dans des films, des séries ou autres mangas sont légion. L'histoire de Ken étant très largement répandue sur le net, je ne m'étalerai pas plus dessus. Je vous invite à découvrir plein d'informations sur le site planète-jeunesse.com. Nozomi Aoki, le compositeur de la série de Hokuto no Ken, est un artiste que vous connaissez bien, je pense. En effet, il est à l'origine de la musique des séries assez connues en France comme Crocus, Lucille, Amour et Rock'n'Roll, Vas-y Julie, le film, et la série de Galaxy Express 999, et plus proche de nous, de Galaxy Railways. La musique de Ken le Survivant n'est pas comme les autres. Elle est peut-être bruyante, comme si nous étions en enfer, tonitruantes pour marquer les esprits et nous faire frissonner de peur ou procurer du stress, mais peut-être aussi magnifiques dès que l'on parle de la terre et des femmes qui la peuplent. Oui, vraiment, Nozomi Aoki a fait sur la série ce que peu de compositeurs peuvent produire aux auditeurs, reconnaître immédiatement quelle œuvre on écoute. Justement, on écoute ensemble quelques extraits de la BO et on se retrouve juste après le premier générique de fin de la saison 1, Yoriya Towani, chanté par le groupe Crystal King. We'll be right back. お前たちに今日を生きる資格はない。 ささやき手探りの中覚えたぬくもりと寂しさ、まぶしく輝くお前の体抱き寄せ今され羽ばたき女神が背中向けて今だから今日より明日より愛が欲しい、夢より愛する君が欲しい、全てが Enfin vient le temps de la quatrième et avant-dernière saison de Sailor Moon, nommée Super S. Nous y retrouvons toujours la nouvelle reprise de Moonlight Densetsu par Moonlips, que vous avez déjà entendu dans le animé No Melody numéro 25. Les musiques de cette saison se font plus tendres, plus mélodiques encore, car Sailor Chibi Moon et sa relation avec Helios sont plus particulièrement mises en scène. Helios est un jeune homme doté de pouvoirs magiques qui s'est transformé en Pégase pour dissimuler sa véritable identité. La corne du cheval est en fait le cristal d'or, un puissant joyau dont cherche à s'emparer Néhelenia, une femme maléfique. Le thème de Néhelenia d'ailleurs se trouve être le même que celui de la princesse Kaguya du film Super. On ne le retrouve donc pas sur ce CD. On attaque ici une des plus belles partitions, saison toutes confondues. On écoute et on apprécie. We'll be right back. Animer nos mélodies, c'est terminé. N'oubliez pas que vous avez dans la page podcast les jaquettes et les références des CD de l'émission. Je remercie comme toujours mes partenaires, RadioAnime.net, Néo et Takour, Retrotac, Doridoka et Yann Kouza. Je remercie aussi paneljeunesse.com pour leur mine d'infos. Et je vous incite à venir nous retrouver sur Facebook, sur notre page Otaku no Melody. Et un dernier remerciement, je ne le fais pas assez souvent, à l'ami Yannick Rowe pour la musique de l'émission. Je vous dis au mois prochain et on se quitte avec Cinéma du groupe Picasso, qui est un ending de la série Maison et Coucou, Juliette je t'aime en France. Et surtout, n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est vraiment pas que pour les Japonais. Sakakushita yokogao